Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la crevette pistolet. On pourrait la surnommer le cow-boy des océans, cette crevette pistolet. Elle qui semble tirer plus vite que son ombre. Car ce crustacé de 3 à 5 cm possède une arme redoutable, une pince pistolet complètement démesurée par rapport à sa taille qui lui permet de chasser ou de se défendre. Un claquement de pince et tac, la proie est stupéfiée, assommée, voire tuée. Le tout en moins d'une seconde. La scène vaut la peine d'être vécue au ralenti. Sur notre gauche, la crevette pistolet toute pince dehors. Sur notre droite, placée à quelques millimètres, la future victime. Zoom sur la crevette qui brandit sa grande pince. On découvre alors que la fermeture très rapide de la pince provoque un jet d'eau puissant qui crée un décalage de pression avec l'extérieur de la pince. L'eau est composée de microscopiques bulles d'air et c'est l'une de ces petites bulles qui, capturée dans la région de basse pression située à l'intérieur de la pince, qui grandit d'un coup et implose. Le bruit que l'on entend provient de cette implosion et non de la fermeture de la pince. C'est une onde de choc qui pulvérise tout sur son passage. Imaginez la chose, fermeture de la pince à la vitesse de 20 mètres par seconde, jet qui se projette à plus de 30 mètres par seconde, l'effet pistolet de notre crevette. Le bruit que font les crevettes pistolets est par ailleurs tellement important et puissant, on peut l'entendre à des kilomètres à la ronde, que ce sont les militaires les premiers qui ont commencé à étudier ces invertébrés, les craquements qu'elles produisaient gênant le bon fonctionnement des sonars des sous-marins. Il faut dire que c'est une espèce bruyante, très sociale, vivant en groupe. Un peu à la manière des fourmis et des abeilles, les crevettes pistolets ont une organisation sociale tout à fait passionnante, avec pour certaines espèces une reine crevette et des subalternes qui la secondent. Les individus ont des tâches assignées, par exemple ceux qui sont plus forts, comprenez ceux qui ont la pince la plus grande, vont se dédier à la défense du territoire. Autre spécificité, de façon générale, les crevettes défendent le territoire en couple. Mais si jamais une crevette se trouve en difficulté face à un intrus et n'arrive pas à le faire fuir, la colonie tout entière va se mettre alors à claquer pour chasser l'individu. Chez les crevettes pistolets, le claquement a plusieurs fonctions. La communication entre les deux sexes, l'affirmation sexuelle au moment de la reproduction, mais aussi la défense du territoire, la défense du partenaire face à un danger et bien sûr le fameux claquement pistolet utilisé pour chasser et assommer la proie. Que de messages délivrés dans ces claquements. Des messages dont se servent d'ailleurs les scientifiques pour étudier le paysage acoustique de la mer. Tout comme l'oursin et la coquille Saint-Jacques, la crevette pistolet peut aussi être une sentinelle environnementale. Elle est facile à détecter, le rythme de ses craquements varie en fonction du jour et de la nuit, tout comme la fréquence de fermeture de sa pince en fonction de la température et de l'oxygène. De précieuses informations qui permettent ainsi sur la durée de sonder le moral et l'humeur de l'océan. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Lucia Diorio, de la chaire Chorus de la Fondation Grenoble INP et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.